De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Les aménagistes du territoire et les propriétaires sont de plus en plus conscients du rôle des espaces verts et bleus pour maintenir un milieu de vie de qualité, puisqu'ils contribuent au bien-être de la population, que ce soit au niveau de la santé ou de l'environnement lui-même. Les milieux naturels et les espaces verts et bleus en milieu urbain participent au rayonnement de la ville, à son dynamisme économique et à sa fiscalité et à son développement social. Alors, pour nous en parler davantage, je reçois Geneviève Gay. Bonjour Geneviève. Bonjour François. Geneviève, qu'est-ce qu'on entend par verdissement des villes? Parce que, en fait, c'est quand même un concept qui peut être assez large aussi. Ah oui, oui. Mais en fait, on verdit un territoire urbain quand les aménagements qui s'y font vont permettre de maintenir, de restaurer ou de créer des espaces verts et bleus. Mais pour distinguer les deux types d'espaces, un espace vert, c'est constitué de végétaux qui poussent en pleine terre ou sur des substrats adaptés, alors qu'un espace bleu, ben, c'est un espace qui est dominé par l'eau. Alors, bon, pour verdir une ville, il faut agir de façon à développer, à favoriser ces espaces. Est-ce qu'installer une piscine, ça peut être considéré comme un espace bleu? Non. Non. OK, d'accord. Ben, c'est au niveau voisin. C'est vraiment un piège, mais non. Okay. Il faut, pour verdir une ville, il faut adopter une vision à plusieurs échelles. Il faut voir grand, puis préserver des grands espaces en créant des parcs ou des corridors verts et bleus. Mais il faut aussi voir plus petit pour en créant, puis agir de façon à favoriser, comme par exemple, des toits et des murs végétaux, oui, bien sûr. Oui. Des îlots de fraîcheur, des ruelles vertes, des terrasses, des balcons, des bandes végétales, là où c'est possible de le faire. Fait que les interventions peuvent se faire là au niveau de l'individu, mais aussi auprès des écoles, des institutions en général, des commerces, des industries, puis bien sûr la municipalité. Est-ce que des potagers communautaires, ça peut être considéré comme des espaces verts? Absolument. Oui, bien sûr. Oui, je vais en parler quand même un petit peu plus loin. Là. Alors, on sait que en fait, les espaces verts sont importants, mais concrètement, en fait, pourquoi est-ce si important de verdir en milieu urbain qui est quand même en milieu urbain? Là? Oui, bien, concrètement, le guide sur le verdissement qui a été publié en 2010 par le Conseil régional de l'environnement de Montréal suite au sommet de l'environnement de la biodiversité qui s'est tenu en avril dernier, bon, il importe de verdir pour plusieurs raisons. D'abord, ben, les espaces verts vont permettre de rafraîchir et d'assainir l'air urbain. Les végétaux, là, comment ça se passe? Bon, mais les végétaux permettent de réduire l'absorption de la chaleur en milieu bâti, notamment bon, en réfléchissant une partie des rayons solaires, en créant de l'ombre. Pardon? En les absorbant puis en les transformant en sucre. C'est ça. Puis ça permet aussi de contrôler l'absorption de la chaleur, bon, par évapotranspiration. Oui. Les végétaux vont capter aussi des polluants de l'air, puis ils vont en les fixant sur leurs feuilles, leurs tiges, puis leurs troncs. Puis ces polluants-là, ben, par la suite, vont être lessivés dans le sol par la pluie. En plus de ça, ben, le fait de verdir va avoir un impact positif au niveau social et économique. Il a été démontré que les gens qui vivent dans des quartiers qui sont plus végétalisés vont être moins stressés, moins agressifs, qui vont interagir plus facilement entre voisins. Bref, ils vont avoir une meilleure santé générale. Au niveau économique, le fait de verdir va améliorer la qualité de paysagère, ce qui augmente aussi la valeur des propriétés. Une autre raison de verdir, au niveau de ce que j'appelle, moi, le drainage régional, il faut voir grand, il faut voir de haut, le fait de maintenir le processus naturel d'infiltration de l'eau en permettant au sol et aux végétaux de capter l'eau de pluie, bien ça va réduire le ruissellement des eaux de pluie vers les égouts, donc vers les cours d'eau. Ça permet d'éviter des épisodes de crues exceptionnelles après certaines pluies abondantes comme celles qu'on a connues puis qu'on va connaître encore au cours des dernières années. Oui, parce que ça sert de tampon finalement. Là. Et exact. Ça absorbe finalement. Puis, quand on développe des quartiers puis qu'on capte tout, oui. On recouvre tout d'asphalte, oui. De bâtiments. Tout ce ruisselle vers les égouts. Tout cet espace-là qui servait justement à absorber la pluie qui est disparue. Bon. Donc, il est impératif de tenir compte du drainage régional quand on développe justement des nouveaux quartiers ou même qu'on permet à certaines grandes usines ou à certaines grandes industries de s'implanter. Il faut tenir compte de ce drainage-là. Il ne faut pas juste voir à l'endroit où on se situe. Il faut vraiment voir plus loin pour imaginer, concevoir comment ça se passe, le drainage. Puis, bon, dernière raison de verdir, ça permet de combattre les îlots de chaleur, les fameux îlots de chaleur dont on entend souvent parler. Là. Et est-ce que tu peux nous en parler davantage? En fait, nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'un îlot de chaleur? Bien, certainement. Bien, c'est un secteur urbanisé qui se caractérise là, par des températures de l'air qui sont plus élevées de 5 à 10 degrés par rapport à l'environnement immédiat. On pense tout de suite là, aux espaces fortement minéralisés, comme les grands stationnements, les centres-villes, où les arbres sont rares, puis où les bâtiments sont rapprochés. On pense aux zones industrielles et commerciales et les voies de circulation majeures, là, les grands boulevards commerciaux, là, bon, les autoroutes aussi. Autrement dit, ben, les îlots de chaleur vont se former là où les constructions ont remplacé la végétation. Puis on l'a tous vécu à un moment donné ou l'autre dans notre vie, l'expérience de surchauffe. Là. Tu sais, là, quand on se retrouve dans une rue large et sans arbres, où il y a beaucoup de bâtiments, puis les toits sont gros, on a chaud. Oui, beaucoup plus. On fait juste se tenser un petit peu à l'ombre. Oups, c'est déjà... c'est un fait parce qu'effectivement, ces corps-là ont été chauffés par le soleil, puis ils réémettent de la chaleur. Le soir, on le sent, c'est dans les bâtiments. Hein. C'est comme ça s'est gardé à l'intérieur, oui. ça s'émet tranquillement par la suite. Ça fait une masse thermique, ça. Exactement. Puis on le voit là, quand on consulte des cartes, on le voit très bien ces eaux. Alors là, c'est beaucoup plus rouge que les environnements plus végétaux. Là. Oui. Bon. Le guide sur le verdissement que je vous parlais tantôt, là, il propose de combattre les eaux de chaleur en invitant les propriétaires institutionnels, commerciaux et industriels à verdir leur coin. Et quels sont les moyens préconisés pour verdir ces endroits qui sont souvent inhospitaliers? Bien, il y a plusieurs façons de faire. Ça peut être simplement en plantant des arbres ou des arbustes aux endroits qui sont asphaltés ou qui sont gazonnés, mais qui ne sont pas utilisés. Mm-hmm. On peut aussi aménager des toits et des murs végétaux. Je vais en parler plus abondamment dans une prochaine chronique. Il y a des techniques, là, je vais juste les énumérer pour ce soir. Mm-hmm. On peut pratiquer l'agriculture urbaine, on peut le faire chez soi ou dans les jardins communautaires. On peut même mettre des boîtes à fleurs, je pense, après ces simplement. Je veux dire, il n'y a pas de petites... C'est justement, quand je parlais de plusieurs échelles, ouais. Ça, c'en est une. Quand on est simplement locataire, mais qu'on dispose d'un espace qui n'a pas de végétaux, là, c'est très simple de s'en équiper. Ouais. Ça nous rend plus joyeux aussi. En plus, tout le monde... Et c'est beau aussi. Exactement. On peut agir aussi pour... de façon là, plus durable, on gère les eaux pluviales en aménageant des bassins de biorétention, puis en utilisant des matériaux perméables ou réfléchissants ou de couleur pâle. Mais ça encore, je vais vous développer ça davantage dans une prochaine chronique. D'accord. On assiste aussi à des interventions plus « extrêmes », entre guillemets, dans certaines villes comme New York, Londres, puis même Montréal, il y en a eu. Il y a des groupes qui sont constitués d'éco-militants qui sont armés de pelles, de râteaux et de seed bombs qui vont envahir les centres-villes afin de revertir des espaces qui sont laissés à eux-mêmes. On les surnomme les « guérilleros du jardinage ». Et en quoi consiste une intervention faite par ces guérilleros du jardinage? Ben, en fait, c'est un geste qui est plutôt politique, qui est proactif, puis qui va viser à sensibiliser les autorités municipales à l'importance de verdir les espaces inutilisés, puis de favoriser la permaculture en milieu urbain. Autrement dit, bon, la façon de faire, les militants arrivent, là, comme je vous dis, armés là, de leurs pelles et de leurs végétaux, puis ils vont occuper un espace abandonné, puis ils vont le reverdir, vont vraiment travailler pour le reverdir, soit en semant des végétaux tout simplement, ou même en le transformant en potager ou en plate-bande permanente. Là. Ils font ça là, vraiment sans autorisation, c'est un acte. Là. Tu sais, souvent, ils vont le publiciser un petit peu, puis vraiment pour attirer l'attention sur, regarder cet espace-là inutilisé qui ne sert à rien, qui est souvent soit trop petit ou peu intéressant pour la construction, mais on le verdit, il sert maintenant à quelque chose. Donc, fait que des fois, même, les militants vont agir plus subtilement. Ils vont s'équiper de seed bombs ou de bombes de semences. Il y a toutes sortes de sites Internet avec des façons de faire. Ils se promènent en vélo, là, puis ils lancent ça un peu partout, là, les endroits. Juste des semences avec des terreaux, puis ça germe spontanément. Ouais. C'est vraiment très sympa. Ça fait des fleurs dans les craques du trottoir. Oui, c'est ça. Donc, mais des fois, les militants vont... s'impliquer un petit peu plus au niveau de la communauté des écoles. Ben, comme je vous disais, je vous invite à consulter, il y a des sites Internet là, qui sont dédiés à ces pratiques, là, pour le moins inusitées. Tu parles d'intervention, est-ce qu'il existe des organismes qui prônent le verdissement des villes? Ah oui. Au niveau national, là, un des plus connus, c'est Evergreen. C'est un organisme qui est à but non lucratif, qui va contribuer à rendre les villes plus vivables, justement, en aménageant puis en entretenant des espaces de plein air qu'ils appellent dynamiques. Bon. Il y a deux programmes principaux, qui est la classe verte, ça intervient au niveau des écoles, puis qui visent le verdissement des cours d'école, qui sont souvent des endroits, curieusement, qui ne sont pas verts du tout. Donc, puis les enfants sont très, très, très généreux, ils sont très impliqués, ils adorent ça. Donc, ça, c'est des genres d'intervention qui se font de plus en plus. Il y a la communauté verte aussi, qui est un autre programme, les autres qui visent le verdissement des communautés. Donc, l'équipe d'Evergreen, eux autres, ils vont animer, ils vont même donner des subventions pour des projets de verdissement locaux et durables. Au niveau plus local, là, ici même, sur la rue Saint-Vallier à Québec, il y a les Urbainculteurs, qui est un organisme à but non lucratif aussi, puis qui se voue à la promotion du jardinage et de l'agriculture urbaine. Donc, ils se sont demandé la première raison d'être, ils se sont demandé pourquoi on devrait cultiver en ville. Bien, la réponse est très simple. Premièrement, parce qu'on peut. Puis, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, bien, il y a beaucoup d'espaces inutilisés en ville puis qui conviennent tout à fait à l'agriculture urbaine. Mm-hmm. Puis, bon, le fait de prôner l'agriculture urbaine, urbaine, mais ça s'inscrit tout à fait dans l'objectif de densification du tissu urbain. Uh-huh. On veut densifier, on veut construire, mais aussi il va toujours rester des espaces vides, entre guillemets, qu'on peut tout simplement remplir avec des végétaux. Uh-huh. C'est très simple. Donc, parmi les autres bonnes raisons de favoriser l'agriculture urbaine, ben, il y a le fait de se rapprocher des lieux de production, de rapprocher les lieux de production des lieux de consommation. Justement, on produit nos propres légumes, on élimine les transports, etc. Ça a plein d'impact positif. Puis, ça nous permet de consommer des aliments frais, des aliments sains, on sait où ils viennent. C'est nous qui les avons fait pousser. Donc, souvent, les projets de verdissement vont se faire localement, à l'échelle du quartier. Comme ici, à Québec, ben, il y a un projet de verdissement de l'îlot des Tanneurs, dans le quartier Saint-Roch. C'est où, ça, précisément? Mais c'est juste sous les grands... Oui, les bretelles d'autoroute. Oui, hein? C'est ça, dans ce coin-là. Il a été mis sur pied, puis ça implique la Ville de Québec, ça implique des résidents, des firmes d'architectes paysagers, des organismes communautaires. Le projet est démarré, puis si tout se déroule comme prévu, ben, le projet devrait être terminé en 2019. Et est-ce que tu crois qu'à Québec, il y aura de plus en plus de projets de verdissement? Ben, j'espère vraiment. Puis d'après moi, mon feeling est quand même assez bon. Il y a des initiatives citoyennes qui sont de plus en plus nombreuses à voir le jour aussi. La ville ben, a déjà appuyé plusieurs projets, comme on a juste à penser à la revitalisation de la rivière Saint-Charles puis de ses berges. Ça a commencé en 1996. Un bout de temps, oui. Oui, c'est ça. Ça a duré quand même longtemps. Ça a mobilisé plusieurs intervenants. Ça a coûté 150 millions de dollars. Ça, c'est très gros. C'est très majeur. Donc, mais règle générale, les projets de verdissement sont beaucoup plus modestes puis se font, comme je disais tantôt, plus localement. Sauf que pour que ces projets se concrétisent puis que le verdissement aille de soi dans toute démarche d'aménagement urbain, ben, il faut intégrer cette façon de faire dans la gestion urbaine. Il y a beaucoup de villes qui ont intégré le verdissement dans leur politique municipale déjà. On a juste à penser à Portland, Seattle, Vancouver. Là, la culture urbaine est favorisée parce qu'il autorise les gens à élever des poules et des abeilles sur leur terrain. C'est des petits gestes comme ça, mais ça fait une toute différence. Ça fait vraiment c'est assez sympathique. À Toronto, ben, la ville a adopté une politique sur les toits verts. Puis depuis 2010, ben, la plupart des nouveaux bâtiments doivent être dotés de toits verts. À Minneapolis, depuis mars 2005, il y a une taxe à payer en lien avec la gestion des eaux pluviales. Elle appelle ça le Stormwater Utility Fee. Autrement dit, la taxe est calculée à partir de la surface occupée par les bâtiments. Puis au Québec, ben, ça bouge de plus en plus. Il y a des forums qui sont organisés, comme par exemple le Forum pour l'environnement, pensons au verdissement, qui aura lieu en février à Trois-Rivières, puis qui réunit tous les intervenants qui sont touchés par le verdissement urbain. Je vais y aller. Fait que je vous ferai une chronique à mon retour. Bien sûr. Mais... Pour terminer, je vous dis, il importe d'abord, pour que le verdissement ait lieu en milieu urbain, il faut fournir aux villes les moyens, les ressources, à la fois pour tenir un inventaire des espaces à verdir, les espaces aussi qui sont déjà verdis. Il faut planifier, pour fournir les moyens et les ressources pour planifier les interventions dans les plans d'urbanisme, puis aussi pour aider les gens, les organismes, les comités de citoyens à concrétiser des projets durables. Alors, merci beaucoup Geneviève. On a hâte d'entendre la suite de ce reportage. Oui. Et pour l'instant, on va faire une courte pause musicale et on vous revient avec Christiane Dupont.